jour lointain. J'ai devant moi éternellement les marques du destin. Personne en ce lieu, personne en ce monde, personne pour me répondre. Le froid me glace, rien ne se passe. À vivre éloigné du monde. Parmi les âmes, parmi les ombres. Je crois aux nuits, aux simples cris, aux signes du silence. Je croise ton ombre, ombre fuyante, réponse à mon attente. Mais tu n'es qu'un mirage, une lointaine image, une âme sans visage. Éternelle errance, éternelle absence. Et je n'entends rien du monde. Rien ni personne pour me répondre. Attendre une seule âme qui me sauve.